À l'occasion de la Journée du Soleil, le Présidium de l'Assemblée Populaire Suprême de la République Populaire Démocratique de Corée a rendu public son décret numéro 1619 sur la remise de l'ordre Kim Il-sung au stade Kim Il-sung, au musée de l'histoire du massif Myeongyang et à la fabrique de vêtements Unha de Donghongsan, qui ont fait un grand apport pour manifester le prestige extérieur du pays, édifier une puissance socialiste civilisée et améliorer la vie de la population.